Paul, je vais à la maternité voir le petit, tu viens ? Ah non, je dois absolument acheter ma Volkswagen. Ça va, elle va pas se sauver, c'est ton neveu quand même. Parce qu'il va se sauver, le neveu peut-être ? Hein ? Il va faire comment ? Il va voler une poussette ? Ah bah non, je suis bête. Il va faire le mur en nouant ses langes. T'es tendu, toi ? Pas du tout. Si. Ne laissez pas passer votre chance. Du 14 au 18 mars, profitez du crédit 0% sur toute la gamme Volkswagen. Retrouvez cette offre dès maintenant sur Volkswagen.fr. Pour 10 000 euros empruntés, 1 500 euros d'apport, 36 mensualités, total dû 10 000 euros. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, conditions sur Volkswagen.fr. Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Shoah, naissance d'un film, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Jean-Pierre Tiercelin, réalisée par Michel Sidorov. La fiction d'aujourd'hui nous raconte l'histoire du film Shoah de Claude Lanzmann. Comment et pourquoi a-t-il été conçu et monté par son auteur ? À sa sortie en 1985, le critique François Exaxer écrivait dans Télérama « Œuvre monumentale, voire œuvre monument, Shoah occupe une place à part dans l'historiographie audiovisuelle de l'extermination des Juifs d'Europe ». C'est un film d'histoire au présent, explique Claude Lanzmann, qui ne contient aucun commentaire d'expert ou d'historien. Il n'y a pas non plus de voix off pour dire quoi penser ou pour relier les scènes entre elles, autant de facilités propres à ce qu'on appelle classiquement un documentaire qui ne sont pas autorisées dans Shoah. Sa réalisation fut une aventure de longue haleine, puisque la préparation, le tournage et le montage durèrent près de 12 ans pour 350 heures de prise de vue. Le film dure d'ailleurs 9h30. Pour tenter de comprendre cette œuvre immense, nous reviendrons sur son élaboration avec Corinna Koulmas, assistante à la réalisation pour ce film-là, première assistante. Elle avait 24 ans quand ils ont commencé, elle et Lanzmann, à travailler sur le film. Elle en avait 34 quand il est sorti en 1985. Elle parle couramment allemand, sa langue maternelle, mais aussi hébreu. C'est donc à elle que Claude Lanzmann a confié la lourde tâche de prendre contact, puis de convaincre les témoins, juifs mais aussi anciens nazis, pour qu'ils témoignent dans ce film. Corinna Koulmas vit aujourd'hui dans un village près de Sablé-sur-Sarthe, où notre reporter Anaël Verzo est allé la rencontrer et l'interviewer. Mais avant d'entendre la fiction et de rejoindre Corinna Koulmas, écoutons Claude Lanzmann dans Apostrophe, interviewé par Bernard Pivot. C'était en 1985, l'année donc de la sortie de Shoah. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Les vrais nazis, ceux qui ont trempé dans l'extermination, ne parlent jamais, ils n'ont pas parlé depuis 1945, même pas à leur procès. Leur procès, ça a toujours été la dénégation, et a fortiori, ils ne se font pas filmer. Donc je les ai filmés par des méthodes à moi, enfin, disons à leur insu, et je les ai fait parler. Certains ne me connaissent pas, ne savaient pas qui j'étais, d'autres me connaissaient sous mon nom, parce que j'avais réussi à établir avec eux de vraies relations, ça a été long. Mais j'avais un seul devoir qui était de transmettre, et pour transmettre, il fallait demeurer froid. Je n'avais pas à être submergé par mes propres émotions. Ouais. Je suis absolument demeuré froid, oui. Sinon, j'aurais rien pu faire. Shoah, naissance d'un film, de Jean-Pierre Tiercelin. Une réalisation de Michel Sidorov. Avec Charlie Nelson, Nicole Sigal, Pierre-Marie Baudouin, Nathalie Blanc, Olivier Peigné, Marina Kapp. Octobre 1973. Fin de la guerre du Kippour. Jérusalem. Appartement d'Angelika Schrobsdorf et de Claude Lanzmann. Te voilà enfin. J'étais mort d'inquiétude. Entre vite. Tu n'as pas eu de soucis à l'aéroport ? Non. L'annonce du cessez-le-feu semble avoir calmé les esprits. Sauf le tien. Ne plaisante pas, embrasse-moi. Serre-moi fort. Tu vas me raconter ? Mais tu dois être fatiguée, je vais te faire un café. Ah, volontiers. À vrai dire, je ne sais plus trop où je suis. À Jérusalem, mon chéri. De retour à Mishkenot, Shananim, où tu es censé travailler sur ton prochain film. Ne l'oublie pas. Non, je ne l'oublie pas, Angelica. Mais hier, j'étais encore à Paris, tout au bonheur de la sortie de Pourquoi Israël. Et la semaine dernière, nous étions à New York pour la sortie américaine. Cette guerre du Kippour a failli tout compromettre. Et toi qui brusquement décides de m'abandonner. C'était plus fort que moi, j'étais terrifiée. Comme une vieille peur qui revenait. Je ne pouvais pas rester loin de mon pays alors qu'il était à nouveau en danger. Je ne peux pas l'expliquer. Mais parle-moi plutôt de Paris. Alors, c'est un succès ? Un véritable succès. La critique est unanime et le public enthousiaste. Vraiment ? Que je suis heureuse. Te voilà un cinéaste reconnu maintenant. Non, non, ne souris pas. Je souris de ta conviction inébranlable. Méfie-toi, si tu continues, je vais finir par le croire. Et on va encore parler de l'orgueil de Lanzmann. Tu ferais bien de boire ton café. Raconte encore. Il y a des bonnes critiques. Oh, excellente. Toute la presse quotidienne et hebdomadaire. Il y a aussi de très beaux papiers de Claude Roy, de Pierre Nora, de François Furet. Jean-Pierre Melville est enthousiaste. Il veut me voir. Je te le dis. C'est une œuvre qui commence. Et dès ton premier film. Tu as surmonté toutes les difficultés. Mais maintenant, il va falloir continuer. J'espère que la distribution aux États-Unis ne sera pas trop compromise par cette guerre. Avec l'actualité, les distributeurs ont la tête ailleurs. J'ai hâte de reprendre mon travail sur ce nouveau film. C'est comme un sentiment d'urgence qui ne me quitte pas. Mais le chemin sera long. Israël ne sera pas toujours là. Pourquoi tu dis ça ? Quand le ministère t'a fait cette proposition en début d'année, c'était bien au nom du gouvernement israélien, non ? Oui, mais après la catastrophe qu'Israël vient d'éviter, Golda Meir va sûrement démissionner. Les priorités vont changer. Je vais devoir continuer seul. C'est peut-être ce qui me donne la certitude que j'irai jusqu'au bout. Et Dieu sait si j'ai hésité à accepter. Ton hésitation n'a pas été très longue. Non, mais d'une rare intensité. Une tempête sous un crâne, digne de Jean Valjean. Tu le sais, toute la nuit j'ai marché dans Paris, abasourdi par l'immensité de la tâche. Peur de relever ce défi incroyable, et en même temps une sorte de violence intérieure qui me pousse à accepter. Mais accepter, c'est faire un saut dans l'inconnu, se mettre en danger pour des années. Et puis, qu'est-ce que je sais vraiment du génocide ? Rien. Tu n'exagères pas un peu ? À peine. Je crois savoir de façon innée, comme tous ceux de ma génération. En fait, je connais juste un chiffre. 6 millions de juifs assassinés. Un chiffre monstrueux, mais abstrait. J'en ai refoulé la réalité. Pourtant, je suis contemporain de cet assassinat. J'aurais pu en être la victime. C'est incroyable. Non, tu sais, on a tous fait pareil. Sinon, comment continuer à vivre ? Mais tu t'es bien rattrapé. Tu travailles comme un forcené dans ton petit bureau de Yad Vashem. Bon, c'est bien loin. Il me faut fouiller dans toutes les directions, savoir tout ce qu'il est possible de savoir. Une connaissance la plus complète possible. Le film ne pourra se faire qu'à ce prix. Ça y est ? Tu es arrivé au bout des 1000 pages de la destruction des Juifs d'Europe ? Lu, relu et annoté. Le travail de Raoul Hilberg est hallucinant. Il déconstruit toutes les étapes de la solution finale avec une rigueur impitoyable. J'essaie de faire des tableaux, des fiches. Je dois encore terminer les actes du procès de Treblinka. Heureusement qu'il y a Irène et Corinna pour m'assister. En plus, elles parlent hébreu, français, anglais et allemand. Vous faites un trio très efficace. Elles me seront précieuses quand il faudra partir à la rencontre des survivants. Et aussi des tueurs. Car il faudra bien que les tueurs soient dans le film. Et les images d'archives ? Il n'y en aura pas. Je n'ai encore aucune idée de ce que sera le film, mais j'ai la certitude qu'il n'y aura pas d'images d'archives. Mais pourquoi ? Ce serait une trahison. D'abord, il n'y a pas d'images. Celles qui existent, on les connaît. Elles ont été filmées par les bourreaux. Je pense de plus en plus que mon film sera sur la mort et pas sur la survie. Les images du film remplaceront les images inexistantes de la mort dans les chambres à gaz. Et tu vas procéder comment ? Aucune idée. Alors pas la moindre. Plus j'avance, plus ce que je découvre dépasse la compréhension. Alors je pense que Ma seule chance d'y arriver, c'est de continuer à refuser de comprendre. Male biale domek, ne pamięci tui. 1975, Altötting, Basse-Bavière, Allemagne. Auf Wiedersehen, bis bald. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, bis bald. De l'air. Ne te retourne pas. Ils doivent être à la fenêtre. J'ai besoin de marcher. Oh oui, ça nous fera du bien. Alors ? Moi aussi, j'ai besoin de respirer. Là, j'ai un poids sur l'estomac. Mais ça a marché, hein ? Il a mordu à l'hameçon. Vous avez vu comme il se rengorgeait ? J'en ai la nausée. Ah oui, mais cette fois, le poisson est ferré. Il faut veiller à ne pas le perdre en route. Enfin ! Ça nous console de tous nos déboires, de tous ces voyages en Allemagne, ces heures de planque au coin de la rue. Oui, les enquêtes, les fausses pistes, les inconnus à cette adresse, les nazis retrouvés le jour de leur enterrement. Tu vois, le métier d'assistante n'est pas une sinécure. Mais tu ne t'es pas découragé, hein, chapeau. Tu ne t'es pas lassé des coups de fil dans le vide ou pire, qui se soldent par une bordée d'injures. Et la voix de la femme qui hurle « Ne parle pas, appelle la police !» Tu as remarqué comment, chez les anciens SS, c'est souvent la femme qui porte la culotte. Quelle idée aussi de vous présenter comme Monsieur Lanzmann qui entreprend un film sur l'extermination des Juifs. Je voulais être honnête, jouer carte sur table. Alors, c'était naïf et complètement idiot. Mais je pense que cette nouvelle méthode est la bonne. On ne prévient pas, on sonne, et si la porte s'ouvre, on avise. À une seule condition. Tout savoir à l'avance de la personne qui va ouvrir la porte. En tout cas, ce monsieur Sourmel avait l'air ravi de pouvoir jouer au professeur. C'était malin de lui dire que nous n'étions ni juge, ni procureur, mais que nous avions besoin de son aide et de son savoir pour mieux comprendre, de faire valoir l'importance de son rôle historique. Même au cœur de l'horreur, la vanité humaine est un puissant fond. Vous lui avez quand même proposé de l'argent, hein, ça aide. Et ça me répugne. Mais n'oublie pas à qui on a affaire. À Treblinka, il était le chef des Goldjuden. Un commando chargé de récupérer l'argent et les bijoux cachés dans les vêtements et d'extirper les dents en or de ceux qu'on venait de gazer. Je sais. Et avant, il a fait partie du programme T4, qui planifiait l'euthanasie des handicapés mentaux. Le gazage des enfants dans les salles de bain du château d'Artheim servait d'expérimentation pour la future extermination des Juifs. Et vous allez filmer cet individu ? J'ignore encore comment, mais... j'ai absolument besoin de son témoignage oral. Dans ce film, les protagonistes seront les victimes juives, les témoins polonais et les bourreaux. Nous venons d'en quitter un. Il ne faut plus le lâcher. Vous allez vraiment lui écrire, comme vous avez dit ? Ah, bien sûr. Et il faudra sans doute que je revienne le voir. Tu as vu pour Perry Broad, qui était au bloc de la mort à Auschwitz ? Un retournement est toujours possible. Avec Zuchomel, il va falloir tourner très vite. Très vite, mais le tournage n'est pas prévu avant 2 ans. On va monter une équipe exceptionnelle, hors période de tournage. Je verrai ça au retour avec Willy Luchanski, qui sera notre chef-op. On trouvera bien une solution. Tu te souviens de ce que m'avait dit le responsable fédéral, chargé de la poursuite des criminels de guerre nazis, quand je lui ai présenté une liste de 150 noms ? Très bien. Je crains, hélas, que vous n'arriviez pas à grand-chose. Bon, en fait, il n'y croyait pas une seconde. Mais il ne se doutait pas que vous étiez un enragé qui ne lâche rien. Ni que 30 criminels nazis seraient contactés par un certain professeur Laborde, directeur du Centre d'études et de recherche sur l'histoire contemporaine, qui n'existe pas, en vue d'une rencontre avec un certain professeur Claude-Marie Sorel, qui vous ressemble comme 2 gouttes d'eau. Mais pour combien de réponses ? Pour combien de contacts fiables à l'arrivée ? Ça nous permettra au moins de rencontrer bientôt ce monsieur Stier, chef du bureau de la Reichsbahn, chargé des transports de juifs vers les camps de la mort. Mais les autres ? Les autres ? Tu veux dire les juifs ? Les membres des Sonderkommando ? Mais à New York, j'ai rencontré, bon, non sans mal, Abraham Bomba, le coiffeur de Treblinka, et en Israël, Michael Potchelnik et Simon Srebnik. Nous avons encore beaucoup d'autres contacts, tu le sais bien. On avance sur tous les fronts. Oui, mais les autres, les témoins polonais, il faudra bien les rencontrer un jour, aller en Pologne. Ah, jamais. En Pologne, il n'y a rien à voir. On ne va pas parler de ça maintenant. Tiens, voilà un café, viens. Allons plutôt nous réchauffer. Fais den Schritt und tritt und den Blick geradeaus. Immer fest und fest an die Welt geschaut. Marschieren Kommandos zur Arbeit. Für uns gibt's heute nur Treblinka, das unser Schicksal ist. Mars 1976, Munich. Une salle de restaurant. Tu y vas, Bernard ? Reste un peu, j'ai redemandé du vin. Non, je vais me coucher, je suis vidé. On en est tous là, la journée a été longue. Ça a été pour vous dans le minibus ? Vu les conditions insensées, oui, on peut dire ça. Willy a été épatant dans le rôle de l'ingénieur du son. Ah oui, très bien. Il faisait semblant de regarder le Nagra dans le fond du sac et il vérifiait le cadre de la paluche glissée dans la poche du côté. Une merveille, cette petite caméra. Mais elle mérite bien son nom. On dirait un micro. Et tu me diras, ça tombe bien. Willy était à bonne distance, Souchomel ne s'est douté de rien. Et moi j'ai fini par oublier le harnachement dont tu m'as gratifié sous la chemise et dans ma cravate. T'as pas souffert pour rien, le son était parfait. Heureusement qu'on a pu se garer près de la maison, sinon ça passait pas. La réception a bien fonctionné, mais j'avais peur qu'un passant remarque l'antenne. Willy nous dira ce qu'il pense des images, mais je pense qu'elles sont utilisables. Qu'est-ce que tu en dis, Willy ? Ce soir, rien du tout. T'as raison, on est trop fatigué. Cette tension toute la journée, j'arrêtais pas de me dire, pourvu que ça tienne, pourvu qu'ils ne s'aperçoivent de rien. Et si ça coupe, qu'est-ce que je fais ? Et le flot d'horreur que ce type débitait dans mes oreilles, quand tu lui as fait reprendre plus fort le chant qu'il faisait chanter aux malheureux des Sonder Commando, j'en aurais arraché mon casque. Et je sais pas si tu as saisi la phrase qui a suivi, c'est l'original, plus un juif ne connaît ça. Il était entièrement ressaisi par son passé. Eh bien, moi, maintenant, j'espère être saisi par le sommeil. Allez, je vous laisse. Dommage, voilà la bouteille qui arrive. Darf ich? Oui, merci. Merci. Juste pour nous deux, alors. Merci. Bitte. Allez, à cette première journée de tournage. Tu ne trinques pas? Non, j'ai pas envie. Qu'est-ce qu'il y a, Willy? Tu n'as pas desserré les dents de la soirée? Je sais que la journée a été particulièrement éprouvante, mais... Tu me demandes pas des nouvelles de mon cœur ? Il t'intéresse pas, mon cœur ? Pardon ? Comment va votre cœur ? Vous n'êtes pas trop fatigué ? C'est bien ce que tu lui as demandé dès le début à ton Unterscharführer SS. Quelle prévenance ! C'est bien normal, un être si délicat. T'as entendu ce qu'il racontait ? Mais tu as entendu ? Je t'en prie, je ne suis pas sourd. On nous regarde. Je m'en fous. Et moi, je me demande si tu n'es pas sourd. T'en as jamais assez. Jamais assez de détails. Combien de juifs gazés dans une journée ? 15 000 ? Ah non, 12 000 ? Très bien. Et les femmes, combien de temps pour les liquider complètement ? 2 heures ? 2 heures et demie ? Ah, très bien, monsieur le professeur. Vous voulez bien nous montrer sur le plan avec votre badine ? C'est passionnant. À vomir, oui. Mais Willy... Non, laisse-moi parler. Je me suis retenu toute la journée. Tu sais où il est mort, mon père ? Tu le sais ? À Auschwitz, dans la chambre à gaz, comme eux. Claude, entendons-nous bien. Je connais mon métier. J'ai souhaité faire ce deuxième film avec toi. Je sais parfaitement qu'il faut faire parler les bourreaux. Mais tu as vraiment besoin d'être aussi obséquieux avec ce monstre ? Et quand, en fin de journée, je t'ai vu compter un à un les billets de 100 Deutschmark de l'alias que tu lui as remise cérémonieusement. Pour moi, ça a dépassé les limites du supportable. Willy... Non, ça va. J'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Je veux juste te dire que tu as raison. En plus, tu te fous de moi. Ça ne me viendrait pas à l'idée. Tu as raison. Ta colère est légitime. Le comportement que j'ai eu vis-à-vis de lui peut paraître abject. La seule justification possible, mais elle est de taille, c'est ce que nous avons filmé et enregistré aujourd'hui. Ce qu'il raconte dans sa vantardise imbécile est un témoignage unique sur les rouages du processus d'extermination. C'est ce qui fera de notre film une œuvre unique. Moi-même, qui croyais savoir l'essentiel, j'ai été horrifié d'entendre ce qu'il a dit. Alors oui, pour arriver à ça, j'ai soigneusement flatté sa vanité. J'ai pris des nouvelles de sa santé. Je l'ai invité à déjeuner avec sa femme, ce qui lui a permis de se lâcher complètement après le repas. Et je l'ai payé. Tu étais vraiment obligé d'aller jusque-là ? Oui. L'argent l'intéressait. C'est même la raison de son accord. Il m'en a encore parlé ce matin, en arrivant à la gare. Willy, ça fait plus d'un an qu'il tergiverse. J'ai fait je ne sais combien d'allers-retours pour lui parler. J'ai pas cessé de correspondre avec lui. La veille du tournage, il voulait encore tout annuler parce que son gendre le menaçait de divorcer d'avec sa fille. Le gendre m'aurait bien cassé la gueule au passage. Finalement, c'est Corinna qui a mené la dernière négociation. Et j'ai accepté de ne pas le filmer et de simplement enregistrer son témoignage oral sans donner son nom. Et on a filmé. En plus, tu mens sur toute la ligne. Oh, c'est le comble! Tu vas pas me reprocher de mentir aux menteurs. Et eux, ils n'ont pas menti peut-être ? Ils ne leur ont pas menti quand ils disaient « Vous allez prendre une douche à l'entrée de la chambre à gaz ?» Alors oui, je les flatte. Je les flatte et je mens avec froideur, calme et conviction. Ça fait partie du dispositif de tromperie. T'es dur. Oui, je suis dur. Notre sujet aussi est dur. Très dur. C'est sans doute moi qui suis trop sensible. Je n'ai pas ta carapace. Tu feras pareil avec les survivants juifs et avec les Polonais. Toi aussi ? Mais qu'est-ce que vous avez tous avec la Pologne ? Ben, j'ai encore dit quelque chose qu'il ne fallait pas ? Mais non, c'est rien. Laisse tomber. Ça ira mieux demain. Allez, je vais me coucher. Salut, Willy. Salut. Été 1978, intérieur d'un wagon de marchandises à l'arrêt en gare de Treblinka, Pologne. C'est bon pour toi, Willy ? C'est bon. Très bien. Bon, allez, on s'octroie une petite pause. Ah, c'est pas de refus. Tu t'en vas, Caroline ? Non, je vais juste rapprocher la voiture, je préfère, à cause de la caisse d'optique et de la caméra de secours. Ah, ça, c'est les grandes équipes et les super productions. T'as une cigarette ? Mmh. Merci. Alors, pour toi, c'est bon ? Quoi ? Le plan ? Hein ? Eh oui, c'est bon. Ça fait 10 fois qu'on le refait. Mmh. Là, t'auras le choix, hein. Là, tu peux être sûr d'avoir le zoom de tes rêves. Mmh. C'est quoi qui t'inquiète ? Oui, non, mais je pense aux spectateurs. Bon, ils découvrent le panneau Treblinka, en gros plan. Mmh. Mmh. Et puis le zoom le fait doucement reculer. Mmh. Et là, il comprend qu'il est à l'intérieur du wagon. Comme ces milliers de malheureux quand le train s'est arrêté définitivement. À Treblinka. On est d'accord, Claude. Je tiens à ce plan autant que toi. Même si ce nom, Treblinka, il ne signifiait rien pour eux. Ils ne savaient pas que c'était la dernière station. Mais le spectateur, il le sait, lui. C'est ça qui compte. Hein, tu as raison. Comme Auschwitz, Treblinka est devenu un symbole de l'extermination. C'est un nom terrible. Treblinka. Et du fond de ce wagon, c'est le dernier nom qui leur sera permis de lire. Tu sais que longtemps, je me suis refusé de venir en Pologne. Ouais, et ça ne nous a pas échappé. À mon arrivée au printemps dernier, quand j'ai découvert l'emplacement du camp, je n'ai rien senti. Mais alors, rien du tout. Je vois des pierres et des pierres disposées symboliquement dans un champ. C'est tout. Alors, je reprends la voiture et je pars, nez au vent, en roulant doucement. Je traverse les villages et soudain, je vois une pancarte avec des lettres noires sur fond jaune. Treblinka. Tu te rends compte, Willy ? Treblinka existe. Treblinka ose exister. Ce nom de l'interdit absolu, c'est aussi celui d'un petit village où des gens vivent. Alors je continue et j'arrive à la gare. Là, je vois un autre panneau destiné aux voyageurs. Treblinka. Celui qu'on est en train de filmer. Exactement. Et je vois des wagons de marchandises attendant le départ. Et là, je comprends. Ce sont les mêmes. Tu m'entends, les mêmes. Et moi qui viens de débarquer en Pologne, juste pour vérifier que c'est inutile, je ressens comme une explosion dans ma tête. Voilà que le nom et le lieu ne font plus qu'un. Je regarde autour de moi, je vois un paysan dans son champ. Il doit avoir une cinquantaine d'années. Mais alors, lui, il était là, il a vu. Eh oui, bon oui, qu'on a filmé hier avec son pull rouge. Il a vu et entendu. Et il a vécu comme les autres, dans la puanteur des fosses et de la chair brûlée. Il a vu aussi les trains arriver pleins et repartir vides. Je suis pris d'un sentiment d'urgence extrême. Il faut tourner tout de suite. Juste le temps de faire les démarches administratives, d'obtenir les autorisations de filmer, de louer la locomotive, le wagon. Et nous voilà. Début de tournage sans préparation aucune. C'est vrai. Mais avec une spontanéité irremplaçable. Quand j'ai rencontré Henrik, le chauffeur de la locomotive, c'était évident que cet homme n'avait encore jamais parlé. Sans doute parce que personne n'a eu la curiosité de lui demander. J'ai compris ça hier en filmant Borowy. Quand ils parlent, ils sont dans un passé présent et fascinant. Pour moi, ce ne sont pas des témoins. Ah non, ils deviennent acteurs. On verra demain avec Henrik. Ah, voilà Caroline. Tout va bien ? Oui. J'ai croisé Corinna, elle nous rejoint. Elle est allée voir Henrik avec Barbara pour traduire. Ah. Ils se sont mis d'accord pour le rendez-vous de demain. Il lui a demandé ce qu'on allait faire, elle est restée vague. Mais elle a bien fait. Qu'est-ce qui est prévu ? Nous, avec la caméra, on va s'installer sur le tendeur. Sur le tendeur ? Oui, juste derrière la loco, là où on mettait le charbon. Et quand on sera prêt, je lui dirai juste « Henrik, vous allez monter sur la locomotive et on va filmer une arrivée à Treblinka. » Et ensuite ? Ensuite, on verra bien. Allez, en attendant, on reprend ce plan. Ok. Je vérifie le point. Tu veux vraiment qu'on refasse une prise ? Pour moi, c'est bon, c'est pas utile. Allez, Willy, juste une. Faut être tranquille. Paris, avril 1985, bureau de Claude Lanzmann. Bon, reprenons. On en était où ? Au titre. Oh, non, tu vas pas recommencer. Mais c'est pas moi. Mais c'est qui, alors ? Mais tout le monde. À commencer par Georges Craven. Le film sort dans 6 semaines. Il a décroché le cinéma L'Empire pour le gala de première. On peut pas lui reprocher de nous demander un titre. Vous avez déjà vu un film sans titre ? Mais moi, ça m'irait très bien. Si je pouvais, je ne donnerais pas de titre à ce film. C'est presque une question d'éthique. Vous me voyez répondre au distributeur, à l'attaché de presse. Désolé, mais Monsieur Lanzmann ne donnera pas de titre à son film. C'est une question d'éthique. Au bout de 12 ans de travail. Mais vous voulez tout faire capoter ? Corinna, voilà 5 ans... que nous travaillons au montage de ce film. 5 ans d'un travail long, grave, délicat, subtil. Sans parler des problèmes financiers, des pressions sur la longueur du film. Un film de 9 heures, mais c'est la folie, mais que sais-je encore. 5 ans d'exigence, d'angoisse, de travail forcené. Et tu voudrais que je donne n'importe quel titre comme ça, à la légère. Mais personne ne vous demande ça. Je n'ignore rien de ce qu'il a fallu surmonter. Des arrêts pour manque d'argent, des décisions difficiles qu'il a fallu prendre, des moments de blocage de plusieurs jours parfois. Ouais, tu peux aller jusqu'à plusieurs semaines. Quand je suis resté bloqué parce que je ne trouvais pas le moyen de faire apparaître Birkenau à l'écran, rien ne me convenait. Et finalement, vous avez eu le déclic avec les images du cimetière juif d'Auschwitz. Et là, on comprend qu'il y avait des juifs dans la ville d'Auschwitz et qu'ils ont fini dans le camp. Mais oui, parce que Madame Pietira raconte ça devant sa maison. Sa maison qui autrefois appartenait à des juifs. Et j'ai toujours refusé de monter un son qui n'avait pas été enregistré au même moment que l'image. Pas plus qu'il n'y a de voix off pour annoncer ce qui va arriver. Il y a une morale du montage tout de même. Ce film est tout sauf un documentaire. Il ne sera pas perçu comme tel, je vous le garantis. Mais ça n'empêche pas de lui donner un titre. Oh, c'est reparti. Oh, on dit que je suis têtu, mais là, je suis battu. J'ai été à bonne école. Récapitulons. Vous avez longtemps pensé à le lieu et la parole. Oui. Au niveau du sens, c'est parfait. Mais... Mais... Je sais pas. faudrait quelque chose de plus simple, de plus direct. Rappelle-toi, entre nous, on disait souvent la chose au montage avec Ziva. Alors, où en est la chose aujourd'hui? Bon, en fait, on s'est toujours débrouillé pour ne pas le nommer, ce film. C'est pour ça qu'on écrivait Holocauste sur le clap. Parce qu'on savait qu'on l'effacerait après la prise. Mais fallait bien mettre quelque chose. On ne parlait que de l'Holocauste quand on a commencé à tourner. L'Holocauste, ça veut dire sacrifice. C'est absurde. C'est à cause de ce feuilleton américain de merde. Une hérésie, une saloperie. Et sinon? Sinon. Il y a bien Shoah. Bien que ce ne soit pas très adéquat non plus. Il paraît que ça veut dire catastrophe en hébreu. Oui. Destruction, anéantissement. C'est le mot utilisé en Israël. Oui. Comme je ne comprends pas l'hébreu, c'est ce qui pourrait me plaire. Ce serait encore une façon de ne pas nommer ce film. On s'en sortira pas. Oui, allô? Ne quittez pas, je vous le passe. Georges Craven. Oh. Allô? Oui, salut Georges. Quel bon vent. Oui, oui, Corinna m'a dit. Ah, l'Empire, c'est une très belle salle. Il est question que François Mitterrand assiste à la première. Ah, dis donc. Je suis très honoré. Le titre? Ah, oui, le titre. Oui, oui, oui, je comprends. Oui, c'est très urgent. Shoah. Hein, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, ça veut dire Shoah. Hein, traduire? Ah non, ah non, pas question. Personne ne comprendra? Mais c'est précisément ce que je veux. Que personne ne comprenne. Mais si, si, je vais très bien, je vous assure. Nous sommes d'accord? Oui, c'est ça. Shoah. S-H-O-A-H. Voilà. Shoah. Au revoir, mon cher Georges. Merci encore. Et voilà. Et alors? Shoah. C'est un beau titre. Et peut-être plus encore. Nous verrons bien. Malebiali domek, ne pamięci kwi. Malebiali domek, ciągle mi się śni. Okna tego domku. C'était Shoah, naissance d'un film, de Jean-Pierre Tiercelin, avec Charlie Nelson, Nicole Sigal, Pierre-Marie Baudouin, Nathalie Blanc, Olivier Peigné, Marina Kapp. Prise de son, montage et mixage, Claire Levasseur, Antoine Espel. Assistant à la réalisation, Léo Durin. Réalisation, Michel Sidoroff. J'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glisser le soir, bleu et gris, ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau, l'arbre se dressant. Comme au passé, j'ai marché les tempes brûlantes, croyantes étouffées sous mes pas. Les voix du passé qui nous hantent et reviennent sonner le glas. Et je me suis couchée sous l'arbre, et c'était les mêmes odeurs. Et j'ai laissé couler mes pleurs. Mes pleurs. J'ai mis mon dos nu à l'écorce, l'arbre m'a redonné des forces, tout comme au temps de mon enfance. Et longtemps j'ai fermé les yeux, je crois que j'ai prié un peu, je retrouvais mon innocence. Avant que le soir ne se pose, j'ai voulu voir la maison fleurie sous les roses. J'ai voulu voir le jardin où nos cris d'enfants jaillissaient comme source claire. Jean-Claude et Régine et puis Jean, tout redevenait comme hier. Parfum lourd des songes rouges, les dahlias fauves dans l'allée, le puits, tout, j'ai tout retrouvé. Hélas, la guerre nous avait jetés là, d'autres furent moins heureux, je crois, autant jolis de leur enfance. La guerre nous avait jetés là, nous vivions comme hors la loi, et j'aimais cela quand j'y pense. Oh mes printemps, mes soleils, oh mes folles années perdues, oh mes 15 ans, oh mes merveilles, que j'ai mal d'être revenu. Oh, les noix fraîches de septembre et l'odeur des murs écrasés. C'est fou tout, j'ai tout retrouvé. Hélas, il ne faut jamais revenir, autant cacher les souvenirs du temps béni de son enfance. Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Vous ma très chérie, oh ma mère, où êtes-vous donc aujourd'hui? Vous dormez au chaud de la terre, et moi je suis venue ici pour y retrouver votre rire, vos colères et votre jeunesse. Je suis seule avec ma détresse, hélas. Pourquoi suis-je donc revenue et seule au détour de ces rues? J'ai froid, j'ai peur, le soir se penche. Pourquoi suis-je venue ici où mon passé me crucifie? Elle dort à jamais mon enfant, mon seul. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Shoah, naissance d'un film. Notre invitée Corinna Koolmaas, première assistante à la réalisation auprès de Claude Lanzmann, le réalisateur de Shoah. Alors, il y a aussi tous les récits sur ces juifs qu'on fait monter dans des camions et ils sont asphyxiés dans les camions. Des camions à gaz. Alors, il y a des choses incroyables comme ce camion où il y a tous ces juifs qui sont dedans et le camion se renverse et oui, ils sont alors, à moitié morts. Ça, c'est très, très passionnant pour le récit polonais. Oui. Rzelno est un tout petit village. Enfin, il y a quelques maisons alignées le long de la route. Et tout le monde savait, puisque les camions à gaz faisaient la navette sur la route entre l'église et la forêt, et on tuait les gens, on les asphyxiait pendant le trajet. Et ils voyaient ces camions passer tous les jours, et ça c'était la routine. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a eu cet accident, et c'est un accident qui brise la routine. Et soudain, la légende naît, le mythe naît. Parce que je n'ai pas rencontré un seul Polonais de ce village de Rzelno qui n'est prétendu devant moi avoir été lui personnellement le témoin de cet accident. Or, c'est un mensonge. Il y a eu un seul témoin. Je l'ai retrouvé. Bon, mais tous les autres se sont appropriés cet événement inouï. Et l'événement inouï suscite immédiatement sa propre légende et son propre mythe. Tout le langage nazi est un langage entièrement truqué. C'est bien pourquoi il n'y a pas d'ordre écrit de la solution finale. Il y a ce qu'on appelle un Führerwunsch, un vœu du Führer. Et le régime nazi était très très largement féodal. Et chacun de ces roitelets et de ces seigneurs locaux inventait sa propre solution finale. Les camions à gaz à Rzelno sont inventés par le Gauleiter Greiser du Wartheland, province de Pologne annexée au Reich. Un jour, il écrit à Himmler et il lui dit « Permettez-moi de me débarrasser de 100 000 juifs de ma province ». Il ne dit pas comment. Et Himmler lui dit « Allez-y, personne n'entre dans les détails ». C'était Claude Lanzmann qui répondait à Bernard Pivot lors de l'émission Apostrophe en 1985, lorsque le film Shoah est sorti. Écoutons maintenant l'interview de Corinna Koolmaas par notre reporter Anna Leverzo. Corinna Koolmaas, comment est-ce que vous avez rencontré Claude Lanzmann? On s'est rencontrés dans une soirée chez des amis. Et puis, je venais tout juste de voir son premier film, Pourquoi Israël? J'avais adoré ce film. Donc, au moment qu'il est rentré, je me suis dit, il me faut cet homme. Donc, je me suis présentée et je lui parlais en hébreu. En fait, il ne parlait pas l'hébreu. Mais il a très vite retourné la situation. Il m'a corrigé mon français, qui à l'époque n'était pas encore parfait, loin de là. Et puis, bon, mais on a parlé. Et puis deux jours plus tard, il y a l'ami qui avait donc fait cette petite fête en disant, tu sais, il y a Claude Lanzmann qui a téléphoné, qui a pris des renseignements sur toi. Bon. Et puis deux jours plus tard, il était devant ma porte en disant, bon, on m'a demandé un film sur l'Holocauste. À l'époque, on disait l'Holocauste. Hein. Et je veux faire ce film à la hauteur de cet événement. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Là, je lui ai dit oui. Je comprends ce que vous voulez dire. Et puis, il a dit, bon, tu vas commencer, tu vas laisser tout tomber. À l'époque, je travaillais à l'AFP pour gagner l'argent, et puis je continuais mes études. Donc, tu laisses tout tomber, et tu vas lire Hilberg, Reitlinger, il m'a fait une liste comme ça. Ça, c'était fin 73. J'ai fait comme il a dit, c'est-à-dire j'ai laissé tout tomber, j'ai lu tous ses livres, puis au bout de deux mois, pas de Claude, Et je savais qu'il était en Israël, mais je n'avais pas de numéro de téléphone, je ne savais rien. Et puis, à bout de 4 mois, mon père m'a dit, il faudrait peut-être que tu t'occupes d'un nouveau travail, parce que ça n'a pas l'air de vouloir se faire. Et puis, il est arrivé. Et puis, on a commencé à travailler. Mais qu'est-ce qui a fait, Corinna Koulmaz, que vous ayez dit oui à Claude Lanzmann à ce moment-là? C'est lui qui est venu me chercher, bien sûr. Hein. Je ne savais encore rien de ce qui allait se passer. Mais ça faisait déjà très longtemps que je travaillais sur le judaïsme, notamment sur la Kabbalah, que j'avais appris l'hébreu. C'était pour moi une préoccupation majeure. Et il ne faut pas oublier, je finis en Allemagne relativement peu de temps après la guerre, en 1948. Et mes premiers souvenirs, c'est des souvenirs de récits. Des récits des gens qui parlaient, et mes parents, heureusement, mon père était grec, ma mère était allemande, et aucun des deux, dans aucune famille, enfin ni d'un côté ni de l'autre, il y avait un passé lourd de nazi, pas du tout, au contraire, c'était des gens qui avaient trouvé ça horrible, et donc ils m'en ont parlé tôt et librement. Et donc ça m'a tellement épouvantée. C'était ce passé-là qui faisait que, pour moi, c'était évident que s'il y avait une chose comme ça, et en plus, donc, j'avais vu pourquoi Israël, je savais la qualité de cet homme. Je savais qu'il savait regarder, et qu'il savait regarder avec amour ce pays. Et donc, j'ai dit oui tout de suite. Et bon, comme je suis d'une famille tolérante, ça paraissait comme un peu fou quand même, hein, parce qu'on ne savait pas où on s'embarquait. Mais on m'a laissé faire. Voilà. Et je n'ai pas regretté. Je n'ai pas regretté. Alors, on était 3. Il y avait donc lui, moi. Et la troisième, c'était Irène Steinfeld, et qui est aujourd'hui la directrice du département des Justes et Nations à Yad Vashem, à Jérusalem. Et alors, vous passez déjà 4 ans à préparer le film. Simplement à préparer. Vous allez en Allemagne pour essayer de rencontrer les anciens nazis. On a passé d'abord 2 à 3 ans en lecture seule. On a tourné quand même autour de 300 heures pour un film qui finalement dure 9 heures. Hein. Et dans ces 300 heures, il y a énormément de choses qui sont en train maintenant d'ouvrir aux chercheurs et tout ça. Et c'est seulement au moment du montage finalement que ça s'est concentré sur le processus d'extermination. Donc pendant 2 ans, c'était surtout de la lecture. Ensuite, c'était la recherche des témoins. Mais ce n'était pas que les nazis, c'était justement, on allait en Israël, partout en Europe. Ça aussi, on se partageait la tâche. Comme Irène et moi, on parlait allemand sans accent, enfin, c'était notre langue maternelle. C'est nous qui faisions l'Allemagne. Claude, à ce moment-là, pendant ce temps-là, il était en Pologne pour voir les endroits, pour le repérage. Jamais ça n'aurait pu se faire comme ça s'il n'y avait pas fait cette très longue enquête. Et on n'aurait pas trouvé les gens, en plus. Et notamment, les anciens nazis, comment est-ce que vous avez fait pour les retrouver? Ça a été forcément très difficile. Mais disons qu'il y a une immense déperdition, parce qu'on s'est fait jeter comme des malpropres, disons 9 fois sur 10. Hein. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les actes des procès. Là aussi, il y a eu une déperdition, bien sûr, parce que depuis la guerre, ils ont pu déménager souvent. Mais bon, on a quand même retrouvé un certain nombre de témoins. Et on avait fondé un institut universitaire fictif. Et moi, j'allais en disant que j'étais l'assistante de Monsieur Sorel, ça c'était Claude, qui voulait, lui, justement, faire des archives sur la guerre, etc., pour avoir un maximum de chance. Et dans mon petit sac, j'avais un magnétophone. Bon, à l'époque, on ne pouvait pas réellement changer de cassette pendant un entretien, etc. Donc, tout ça, c'était encore très artisanal. Même notre caméra cachée, avec laquelle on a donc... piéger les nazis, c'était vraiment les tout premiers essais de ce genre de choses. Mais alors, quand vous nous dites, on a été jeté 9 fois sur 10, presque 9 fois sur 10 par les anciens nazis, au total, vous avez contacté combien de personnes? Des dizaines et des dizaines, je n'ai pas compté, mais enfin, c'était considérable. On a jeté, très souvent, c'était les femmes d'ailleurs, les femmes qui savaient ce que le mari avait fait, et s'il y avait quelqu'un comme ça, elles se chargeaient de nous virer. Hein. Et, vous sonniez aux portes et on... Oui, je sonnais à la porte, j'expliquais mon petit truc avec M. Sorel, l'institut universitaire et tout ça. Généralement, je n'arrivais pas à la fin de la première phrase. Hein. Soit on jetait méchamment, bien on fermait la porte, mais enfin, c'était comme ça. Et souvent aussi, il y avait les voisins qui s'en mêlaient en disant « Ah, qu'on le laisse tranquille, ce pauvre homme, il a assez souffert. » Enfin bon, fallait avoir, le, disons, la peau dure. Hein. Mais... On vous disait « Il a assez souffert » en parlant d'un ancien nazi. Qu'on ne l'embête pas avec son passé, voilà, le pauvre. Alors finalement, comment vous avez fait? Comment vous avez fait pour obtenir les témoignages que vous avez obtenus? Vous parliez de caméra cachée. Oui, alors la caméra cachée, donc ça, on l'a, à l'époque, il n'y avait que trois au monde. On avait un petit camion qui était devant la porte de l'interviewé. Là, il y avait les récepteurs. Et puis moi, j'avais donc la caméra. Alors, j'avais un sac à main dans lequel j'avais découpé devant un truc qui pouvait se diriger sur la tête de la personne, où j'avais mis du papier aluminium qui était... Donc, invisible du côté où on regardait, ça faisait comme une glace. La difficulté était, évidemment, que moi, je devais diriger cette caméra sur la tête de l'interviewé. Il fallait donc que je tienne ce sac sur mes genoux, que je prenne un air détaché, qu'on me dise, oh, « Posez donc votre sac. »« Oh non, non, ça va très bien, etc. » Et puis après, au bout de 10 minutes, on avait convenu que je descende voir avec le caméraman dans la voiture s'il y avait une réception, si c'était bien cadré, etc. Donc, quand je revenais, il fallait absolument que je reprenne la même position. Et si monsieur avait bougé, il fallait que... Bon, enfin, bref, c'était pas facile, hein. Et au niveau de la prise de son, il y avait l'ingénieur du son. Il était dans la voiture. Dans ces interviews-là, j'étais seule avec Claude. Et ça veut dire, Corinna Koulmaz, que vous avez assisté à tous les enregistrements de toutes ces personnes. Qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là? Est-ce que vous vous en souvenez? Oui, je pense. Bien sûr. Oui, j'ai assisté à tout le tournage et puis bon, aussi à, donc à trouver les gens. Donc j'ai entendu des kilomètres et des kilomètres d'histoire. Et de, en fait... Dès qu'on travaillait, c'est qu'on finissait complètement par vivre dans cette époque. Surtout, on ne s'interrogeait pas sur ses propres réactions. Il était hors de question, et chez les Juifs, et chez les Allemands, qu'on ait un air épouvanté. Hein, parce que là, ce silence est immédiat. Hein. Également chez les Juifs. Parce que les Juifs, c'était très très dur. Très souvent, ils n'avaient pas parlé. Ils n'avaient pas parlé à leurs propres enfants. Il y avait un sentiment à la fois de... d'incommensurable et de honte aussi. Très souvent, de honte d'avoir survécu alors que tous les autres étaient morts. Enfin, c'était très, très complexe. Donc, si on était là, un peu en étranger, en disant « Oh là là, que terrible !» et tout ça, bah, l'interview, enfin, on pouvait oublier. Hein. Donc, c'était pas notre tâche. Et on s'était tellement identifié à cette tâche qu'on vivait à cette époque et qu'on n'était pas en train de se dire « Oh là là, etc. » Mais... Quand je disais, oui, là, il a dû aller dans la chambre à gaz telle, et là, c'était tel chemin. C'était dit, il fallait que les gens interviewés comprennent qu'on connaissait tout, qu'on pouvait suivre leur récit, et à la limite même compléter. Hein, quand la parole manquait, on pouvait dire quelque chose qui faisait rebondir. Et puis, bon, mais chez les nazis, évidemment, il y avait tout... ils savaient que maintenant, ce qu'eux, ils avaient considéré comme bien était considéré comme mal maintenant, etc. Et ils s'étaient fait toute une histoire pour montrer qu'eux aussi, ils étaient victimes. C'est-à-dire qu'ils avaient été forcés à faire ce qu'ils avaient fait. Enfin, ils avaient complètement déplacé le problème. Et il fallait pas, bien sûr, pour les faire parler, essayer de redresser la situation. Il fallait rentrer dans leur jeu. Et c'est ça que, justement, souvent, d'ailleurs, comme on a vu les techniciens, le caméraman, etc., ils étaient parfois indignés parce que Claude rentrait complètement dans le jeu. Parce que lui, ça, ce qui l'intéressait, c'est de faire parler la personne, hein, et pas faire un discours de morale. Et une fois, j'ai demandé justement à Glaser, qui est un des témoins les plus importants à Treblinka, qui m'avait dit qu'il n'en a jamais parlé à sa fille. Alors j'ai dit, mais moi, je ne suis pas plus âgée que votre fille. Comment ça se fait que vous me parlez? Et il m'a dit, mais vous connaissez. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Vous comprenez ce que je dis. Alors qu'à ma fille, j'aurais dû expliquer des choses qu'elle n'aurait pas comprises. Et à ce moment-là, est-ce que vous étiez en accord avec cette façon de faire, ou est-ce que parfois vous vous êtes dit on va trop loin, j'arrête? Non, j'étais parfaitement d'accord. J'étais parfaitement d'accord. C'était ça mon but. Hein? Oui. Alors parfois c'était dur, parce que par exemple l'histoire de Bamba quand il pleure dans la, le coiffeur qui était à Treblinka et qui voit donc arriver le convoi de sa propre ville et il doit couper les cheveux, il sait que ces gens qu'il connaît si bien, ils allaient mourir dans quelques instants. Et donc Claude l'a vraiment poussé jusqu'au bout pour qu'il raconte cette histoire. Il l'a remise dans les mêmes conditions, dans un salon de coiffure. C'était... Donc, il y avait des moments qui étaient très, très durs. Mais on savait pourquoi on le faisait. Vous voulez savoir. Et on était très, très conscients du fait que c'était le dernier moment, que c'était les derniers témoins, qu'ils allaient mourir bientôt et que plus personne n'entendrait ça. Et puis le film sort au mois d'avril 1985. Oui. Vous vous souvenez de la sortie du film, de la réception qu'il y a eu ? Je me souviens très bien de la première, bien sûr. C'était quand même émouvant. C'était très émouvant. Et c'est une très grande salle. Il y avait Mitterrand, il y avait toutes sortes de gens. Il y avait un silence de mort, vraiment de mort à la fin. Et oui, ça, c'était très, très émouvant. Parce que là, on voyait que ce qui nous avait tellement tenu à cœur, ça touchait les gens. Et puis le film a eu le succès qu'il a eu. Énorme, évidemment. Alors, c'était long et quand même surprenant pour nous. Vous vous attendiez pas à un tel succès ? On ne s'attendait pas à autant de résonance, non. Non. C'était au-delà du public juif, c'était vraiment mondial. Bon, alors ça, c'est une grande récompense. Comment on fait pour vivre après le film Shoah ? Comment vous avez fait après pour vivre avec ? J'ai continué autrement. J'ai continué mes études de Kabbalah. J'ai enseigné pendant quelques années justement à l'Institut des études juives à la Sorbonne, la Kabbalah notamment. Et c'est quelque chose avec quoi j'ai toujours vécu, mais là, ça avait trouvé ça une sorte de terme. On avait aussi l'impression d'avoir exploré autant que possible. C'est-à-dire, on est allé jusqu'au bout de ce qu'on voulait faire. D'après vous, est-ce qu'aujourd'hui, il serait possible d'avoir un film qui parle de la Shoah, comme en parle votre film ? Il y a des films qui existent, il y a d'autres films, je pense à La vie est belle, par exemple, mais avec une telle résonance. Déjà, tous les témoins sont morts. On a réellement eu le dernier moment. Hein. Puis le choix avait été quand même, le choix de Claude, de ne pas utiliser de documents d'archives. Cette idée de tout faire revivre, de faire revivre la chose à travers la parole des gens qui l'ont vécu. Et pas s'appuyer sur des images de morts dans la rue, enfin tout ce qu'on connaît, des fosses qui débordent, enfin tout ça, il n'y en a pas une. Donc c'est vraiment un choix très très différent par rapport à tout ce qui a été fait. Et donc aujourd'hui, ce choix-là, il est exclu vu qu'il n'y a plus de témoins. Donc moi, je ne pense pas qu'on puisse faire quelque chose. Ça ne peut être qu'une transposition, une fiction en fait. Corinna Koulmaz, aujourd'hui, l'antisémitisme est toujours présent. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Je ne dirais pas qu'il est présent, je dirais qu'il y a une recrudescence absolument dramatique et pour moi surprenante. C'est-à-dire, je n'aurais pas pensé, après tout ça, que dans différents pays d'Europe, on assiste à cette recrudescence et sans la moindre honte. Enfin, quand on voit Juden raus ou Juden sur des vitrines à Paris, on se pose des questions quand même. Et on se dit, jusqu'où va l'ignorance pour rendre une chose telle possible ? C'est à méditer. Alors Corinna, il y a à côté de nous une amie à vous qui est chanteuse. Et je vais c'est Shura Lipovsky. Et vous chantez en yiddish. Oui, c'est vrai. Et est-ce que vous voulez chanter quelque chose ? Oui, une berceuse qui a été écrite par Manny Lep et la musique de Michel Gelbart. Ailulum Nacht und Regen, Ailulum Nacht und Wind, in der Nacht und in dem Regen, in der Nacht und in dem Wind, gehen Menschen heute. zum hungrigwind, ungetriebene wind, ungetriebene wind. Ailulilulu, Nacht und Regen. Ailulilulu, Nacht und Wind. Lulinke, mein Kind. Lulinke, c'était Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Shoah, naissance d'un film, une fiction écrite par Jean-Pierre Tiercelin, réalisée par Michel Sidoroff, émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet et réalisée par Aline Yoro, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Stéphane Boja et Julien Chabassu.